السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Il nous dit rahimahullah pour le hadith numéro 42. D'après Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le très haut a dit: ô enfant d'Adam, certes, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne tes péchés, quelle que soit leur quantité, et je n'y prête pas attention. Ô enfant d'Adam, si tes péchés atteignaient les cieux, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerais. Ô enfant d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre en péché, puis me rencontrais sans me donner d'associé, je viendrais à toi avec son équivalent en pardon. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit: hadithun sahihun, authentique. Donc, cet immense hadith qui est Qudusi nous montre l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son immense pardon. Tout comme il nous montre l'importance et l'obligation pour le serviteur quant au fait de constamment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de constamment avoir espoir en lui subhanahu wa ta'ala. Donc, de constamment l'évoquer, et cela quelles que soient les fautes et erreurs qu'il a pu commettre. Car comme l'a cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: kullu bani adama khatta' wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout enfant d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup, at-tawwabun. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi: inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent beaucoup, at-tawwabin, et il aime ceux qui se purifient. Donc ici, at-tawwabin, qui est une forme en arabe, qui est appelée siratul mubalara, qui montre que la personne fait cela en grande quantité. Donc cela nous montre, comme le citent les gens de science, que cette personne-là commet beaucoup de fautes. Donc pour se repentir en grande quantité, cela implique que la personne commet des fautes en grande quantité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il aime at-tawwabin, donc ceux qui se repentent beaucoup. Donc que la personne ne soit jamais prise de désespoir quant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle soit constamment prise de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui demande de pardon, de l'espoir en lui, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse lui pardonner ses fautes et le guider vers ce qu'il y a de meilleur. Le noble savant, le shaykh Abdel Mohsin Al-Badr, hafidhahullah, nous dit à propos du hadith. Et il contient, donc ce hadith, le fait qu'il fait partie des causes pour le pardon des péchés, pour obtenir le pardon des péchés, l'invocation d'Allah, l'espoir en lui pour qu'il pardonne les péchés, la demande de pardon, l'istighfar, la sincérité, l'ikhlas, et le fait d'être préservé du polythéisme. Puis il nous dit, hafidhahullah, et le sens du pardon des péchés, donc maghfiratu dhunub, est qu'il ne soit pas dévoilé aux créatures. Donc le fait qu'Allah voile son serviteur et ne montre pas les péchés qu'il a fait au reste des créatures. Donc, et le fait qu'il ne soit pas dévoilé aux créatures, et le fait qu'Allah passe sur ses péchés, et donc qu'il ne châtie pas pour cela. Donc le sens de l'maghfira sont ces points. Premièrement, le fait qu'Allah voile son serviteur, ce qui fait que les autres créatures ne voient pas les péchés qu'il a pu commettre en privé entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le fait qu'Allah passe sur sa faute, passe sur ce péché, ce qui veut dire qu'il n'aura pas de châtiment concernant ce péché. Donc l'insan, lorsqu'il demande à Allah le pardon et qu'il dit astaghfirullah, se rend compte de ce sens-là. Qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le voiler, de ne pas le dévoiler face au reste des créatures, qu'il regrette ce péché, et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le châtier en conséquence du péché qu'il a pu accomplir. Donc, le musulman est constamment rempli d'espoir envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il ne cesse de l'invoquer. Et il ne désespère jamais de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est el-azim, l'immense, celui qui se passe de toutes ses créatures, el-rani, celui qui est riche sur tous les points de vue. Et il ne tire subhanahu wa ta'ala aucun profit à châtier ses serviteurs. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs reviennent à lui repentant. Allah nous dit d'après l'essence du verset, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Qu'est-ce qu'Allah fera de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous croyez? Et Allah est certes reconnaissant et parfaitement savant. Et ici, parmi les points importants à savoir concernant ar-raja fillah, le fait d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un acte d'adoration immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Qu'Allah ordonne d'accomplir le fait d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet espoir, ar-raja, n'est louable que lorsqu'il est accompagné d'œuvres et de causes. Ar-raja bil-amal. C'est-à-dire que la personne, à titre d'exemple, adore Allah subhanahu wa ta'ala, accomplit le jeûne, dépense des aumônes, ordonne le bien, interdit le mal, et donc a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de lui ces actes-là. Ou bien que la personne se repent d'un péché qu'elle a accompli et donc qu'elle regrette et qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc à ce moment-là, elle a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte ce repentir. Et quant à celui qui n'accomplit aucune cause, ni de bien, ni se repent d'un péché, puis prétend avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela n'est pas l'espoir qui est louable, l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'accomplir et l'adoration qu'Allah aime. Mais cela est appelé par les gens de science ghururun wa tamannin, des illusions et de faux espoirs. Donc le fait que la personne n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, n'adore pas Allah, ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le bien, ou à l'inverse ne délaisse pas le mal qu'elle accomplit. Et lorsqu'on lui rappelle cela, elle dit: j'ai espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Cela est faux et cela est du ghurur et du tamannin, donc des faux espoirs. Car la personne qui est véridique dans son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui accomplit les causes, puis a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte cela de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans Sourate Al-Baqarah: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Certes, ceux qui ont cru et ceux qui ont émigré et combattu dans le sentier d'Allah, ceux-là sont ceux qui ont espoir en la miséricorde d'Allah. Donc ici, Al-Shahid, dans sa parole, ceux-là sont ceux qui ont espoir en la miséricorde d'Allah. Donc ceux qui ont fait des causes ici, qui ont cru, qui ont émigré, qui ont combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui ne fait pas de cause, ni de bien, ni ne se repent d'amal, alors celui-là ne peut pas prétendre avoir espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela sera comme cité de faux espoirs et du rourour. Tout comme nous avons dans le hadith, ce qui nous montre la gravité du shirk. Le shirk billahi azza wa jal. Et qu'il est le pire et le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quiconque meurt là-dessus sans s'être repenti. Dans sa parole, sallallahu alayhi wa, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, ô enfant d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre en péché, puis me rencontrais sans me donner d'associé, je viendrais à toi avec son équivalent en pardon. Donc, la personne qui meurt sur le tawhid aura le mérite de voir bi'inillahi tabaraka wa ta'ala ses péchés pardonnés, incha'Allah. Comme Allah nous dit d'après les sens du verset, Inna Allah la yaghfiru an yushaka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe et il pardonne ce qui est en dehors de cela à qui il veut, c'est-à-dire ce qui est en dehors du shirk comme péché. Ce qui est en dehors du shirk comme péché. Donc la personne qui viendra le al-qiyama sera tahta al-mashiya, si Allah subhanahu wa ta'ala souhaite, elle lui pardonne, et si Allah subhanahu wa ta'ala souhaite, elle châtiera cette personne, mais pour un temps déterminé, et sa fin sera au paradis bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Hada wallahu a'lam wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Donc nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de finir l'explication des 40 ahadith de l'imam al-Nawawi rahimahullah en lui demandant subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous pardonner nos fautes, de combler nos manquements, de faire que ces assises soient une preuve pour et non contre nous au Al-Qiyama. Et comme il nous a réunis subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde sur son obéissance, de nous réunir yawm al-qiyama fi dari karamati, dans sa demeure dans laquelle il honorera ses serviteurs auprès d'un roi, d'un souverain omnipotent, omniscient, fi maq'ad sidiqin 'inda malikin muqtadir. Hadha walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.